إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اتقوا الله واعلموا أن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Allah subhanahu wa ta'ala est dit, ô vous qui avez cru, craignez Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit d'être craint, et me louez comme état de soumission, en étant musulman. وَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Et accrochez-vous tous au câble d'Allah subhanahu wa ta'ala, tous ensemble, et ne vous divisez pas. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا Et souvenez-vous de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala sur vous lorsque vous étiez des ennemis et Allah subhanahu wa ta'ala a réuni vos cœurs et vous êtes devenus par sa grâce des frères وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها Et vous étiez au bord d'un abîme rempli de feu, et Allah subhanahu wa ta'ala vous en a sauvé. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous clarifie ces signes pour que vous puissiez être bien guidés. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةِ يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون Et qu'il y ait parmi vous un groupe qui ordonne le bien et qui interdise le mal et ceux-là qui appellent au bien et qui ordonnent ou qui commandent le bien et qui interdisent le mal et ceux-là sont ceux qui auront le succès ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات Ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et qui ont divergé une fois que les preuves claires leur sont parvenues. وأولئك لهم عذاب عظيم Et ceux-là auront un dur châtiment. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه Le jour où des visages seront éclatants et d'autres visages seront sombres. Allah nous donne dans ces versets des indications et des règles à suivre pour rester dans le droit chemin et pour ne pas se diviser. Et en ce qui concerne la dernière partie de ce verset, lorsqu'Allah dit qu'il y aura des visages qui seront éclatants et d'autres visages qui seront assombris, Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu dit à ce sujet, تسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف وتبيض وجوه أهل الاجتماع والاختلاف C'est-à-dire qu'au jour de la résurrection, les gens qui étaient réunis et les gens qui étaient sur la sunna, leur visage sera éclatant. Tandis que les gens qui étaient divisés et les gens qui étaient dans la divergence, eh bien leur visage sera assombri. Donc il n'y a rien qui peut réunir les hommes à part la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. comme l'imam Malik, rahimahullah, l'a dit dans une de ses citations célèbres, لا يصلح آخر هذه آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. Il n'y a rien qui pourra réformer la dernière partie de cette umma, excepté ce qui a été utilisé pour réformer la première partie de la umma. C'est-à-dire pour réformer la umma à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وقال تعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. Et souvenez-vous, lorsque vous étiez peu nombreux et opprimés sur la terre, vous craignez de vous faire enlever par les hommes. Et Allah vous donna son asile et vous donna son support et sa victoire. Et il vous a donné votre subsistance de toutes les bonnes choses pour que vous soyez reconnaissants. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم ولو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. الله سبحانه وتعالى إذ qui t'a supporté par sa victoire ainsi que par le support des croyants, et il a uni vos cœurs. Et si tu avais dépensé tout ce qui est sur la terre entière pour essayer de les réunir et d'unir leur cœur, tu n'aurais pas pu les unir. Tu n'aurais pas pu unir leur cœur. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il a uni leur cœur. Il a uni leur cœur par le tawhid, par l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, par la foi. Et il n'y a rien qui peut réunir les cœurs et réunir la parole des hommes à part une bonne aqida, une bonne croyance. Et la bonne croyance est la croyance qui nous a été amenée par notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. » Allah subhanahu wa ta'ala dit « Obéissez à Allah et à son messager et ne divergez point, parce que sinon vous allez échouer et vous allez perdre vos forces. Alors soyez endurants, certes Allah est avec les endurants. » Les Arabes à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'islam est arrivé à trouver les gens divisés, ils se tuaient les uns les autres, ils se battaient les uns les autres dans des guerres interminables. Ils étaient tous désunis. Et l'islam est venu unir ces hommes par la foi en un Dieu unique, la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et la foi en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a clarifié tout ce qu'on avait besoin de connaître au sujet de la religion, en commençant par le témoignage de la ilaha illallah, qui est le témoignage de dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, et qui implique le rejet de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala par les hommes. Et c'est la base du message auquel le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a appelé. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a également averti qu'après lui, il y allait avoir beaucoup de divergences. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي فَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, sachez que après moi, il y aura, celui qui vivra après moi verra beaucoup de divergences. Alors je vous incite de suivre ma sunna et la sunna de mes successeurs bien guidés après moi. Accrochez-vous à cela et mordez dedans avec vos molaires et prenez garde aux choses qui sont inventées dans la religion. Car toute chose inventée dans la religion est une bid'a, et toute bid'a est un égarement. C'est une innovation et c'est un égarement. Et tout égarement mène au feu de l'enfer. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Iftaraqat al-Yahoud ala 71 firqa wa iftaraqat al-Nasara ala 72 firqa wa satafariqu hadhihi al-umma ala 73 firqa kulluha fi an-nar illa wahida. Qila man hiya ya Rasulullah? قال من كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي. للقفص الله صلى الله عليه وسلم a dit que les justes sont divisés en 71 sectes et que les chrétiens se sont divisés en 72 sectes et que sa umma allait se diviser en 73 sectes et qu'elle serait tout en enfer excepté eux. Et les sahaba ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam laquelle d'entre elles sera sauvée au messager d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu c'est celle qui sera sur ce que je suis moi-même aujourd'hui ainsi que mes compagnons. Donc on voit que premièrement dans les versets qu'on a mentionnés, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné l'unité. C'est une obligation, c'est un fard, c'est un wajib, c'est une obligation religieuse de s'unir. Et c'est une interdiction, c'est un haram, c'est une interdiction de se diviser dans la religion. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam nous a annoncé en même temps qu'il y allait avoir de la division. Mais en même temps qu'il nous a décrit la maladie, le problème, il nous a également donné le remède à ce problème. C'est pourquoi on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a incité de suivre sa sunna et la sunna de ses successeurs bien guidés après lui et de suivre son exemple et l'exemple de ses compagnons. Et c'est pourquoi vous remarquez aujourd'hui que les gens qui divergent le moins entre eux sont les gens qui suivent le Coran et la sunna selon la compréhension des salafs salih avec connaissance et compréhension. Pendant que les groupes de bid'a, les groupes d'innovation et les sectes suivent leur passion et divisent les musulmans avec leurs égarements, les gens de la sunna, eux, restent fermes sur la vérité. Ils restent fermes face à la bid'a des khawarij. Ils restent fermes face à la bid'a des shi'as. Ils restent fermes face à la bid'a des qadariyya et des mu'tazila et des jahmiyya et des qadariyya et des théosophiyya. Ils restent fermes face aux sectes contemporaines comme les groupes des Ikhwan al-Muslimin ou les Jama'at al-Tablir ainsi que d'autres tendances qui jouent à l'autruche et qui font semblant que la division n'existe pas dans la Oumma. Ils refusent donc d'aborder les questions de Aqidah et de Tawhid et parlent d'autres sujets pour éviter de diviser comme ils le prétendent. Et pourtant Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الله سبحانه وتعالى يزيد أوبوك يا بيتو أوبيتي يا الله أوبيتي ومتجي يا سيدانتوك دتين لكم الله. Et si vous divergez en quoi que ce soit, alors ramenez-le à Allah et à son messager, si réellement vous croyez en Allah et au jour dernier. Ce sera meilleur pour vous et d'une meilleure conclusion. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans un autre verset, وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. Et si vous divergez en quoi que ce soit, alors sachez que le verdict à son sujet, au sujet de cette divergence, il appartient à Allah. Et Allah ta'ala dit dans un autre verset, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par lui-même en disant, non par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants tant qu'ils t'écrit toi comme juge dans toutes les choses qu'ils ont comme désaccord ou dispute entre eux, puis qu'ils n'aient trouvé aucun désaccord, aucun inconfort en eux-mêmes au sujet de ce que tu auras décrété et qu'ils s'y soumettent en soumission totale et complète. Mais les gens de bid'a d'aujourd'hui et d'avant refuse de revenir à la révélation et de prendre la révélation du Coran et de la Sunna et la voix des salafs salih comme référence et comme juge. Et ils préfèrent suivre leur passion. C'est pourquoi la bid'a est une chose si dangereuse. Et c'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a avertis contre les innovations et contre les bid'a après avoir mentionné la divergence dans les hadiths d'Irbad ibn Sariya qu'on a mentionné plus tôt. Lorsqu'il a dit « فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا » Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous avertit qu'il y aura beaucoup de divergences. Et puis il nous dit par la suite « فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدِينَ » Alors accrochez-vous à ma sunna et à la sunna de mes successeurs bien guidés après moi. Et puis il ne se limite pas uniquement à ça. Il continue également en disant « وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ » Et donc par la suite il nous dit « Et prenez garde aux choses inventées dans la religion. » فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ Et dans une autre narration, فَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا Les pires des choses sont les choses innovées en religion. Et donc, la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après nous avoir mentionné les divergences, il nous indique de suivre sa sunna et il nous avertit contre les innovations. Parce que c'est les innovations qui amène la division et la divergence entre les musulmans. Donc, contrairement à ce que les gens de Bid'a s'imaginent, ils pensent que la Bid'a unit les musulmans, alors qu'en réalité, la Bid'a ne fait qu'augmenter la division des musulmans et ne fait qu'augmenter les musulmans en faiblesse. Et c'est pourquoi l'argument de Dieu est-il continué entre nous ou entre les gens qui se disent musulmans pour faire face aux ennemis de l'islam, sans distinguer entre celui qui est sur le tawhid et la sunna et celui qui est sur le shirk et la bid'a est un faux argument. Contrairement à ce que cela s'imagine, le fait de s'unir avec les gens de bid'a et de coopérer avec les gens de bid'a ne peut qu'augmenter la force des ennemis de l'islam contre les musulmans. Parce que de toute façon, à travers l'histoire, les gens de bid'a ont toujours été des alliés des koufars. Comment pouvons-nous nous unir avec des gens qui adorent les tombes et prient les morts? Comment pouvons-nous nous unir avec des gens qui utilisent la magie, les talismans et la sorcellerie? Comment pouvons-nous nous unir avec des gens qui font le takfir de la Oumma et qui appellent au terrorisme? Comment pouvons-nous nous unir avec des gens qui placent leur raison au devant de la révélation? Comment pouvons-nous nous unir avec des gens qui insultent les Sahaba et qui croient que les Sahaba sont kuffars? Comment pourrions-nous nous unir avec des gens qui rejettent la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Comment pourrions-nous nous unir avec des gens qui nient les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala? Comment pourrions-nous nous unir avec des gens qui croient que leur chef connaît le règne? Comment pourrions-nous nous unir avec des gens qui pratiquent et qui font des bid'a et qui dansent et qui chantent dans leur mosquée? On ne peut pas s'unir avec eux. Et la seule condition pour qu'on puisse s'unir avec eux, c'est qu'ils cessent de croire en l'égarement auquel ils croient et qu'ils cessent de pratiquer les innovations qu'ils pratiquent et qu'ils cessent de croire en le shirk en lequel ils croient et qu'ils pratiquent également. Et de ne pas se laisser tromper par le discours de ceux qui, aujourd'hui, parmi les groupes islamiques, appellent à ce qu'on dit comme étant le pluralisme, ou la diversité de croyances, ou le multipartisme, ou la liberté d'opinion et de croyance et de démocratie religieuse. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Accrochez-vous tous au câble d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous tous, et ne vous divisez pas. Et cet appel à s'accrocher au câble d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un appel non pas à s'unir tous ensemble sans prendre en considération notre croyance et nos fondements, bien au contraire. L'appel à s'accrocher au câble d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, c'est de s'accrocher au Coran et à la sunna et aux fondements de l'islam. Et donc il faut s'unir sur la vérité et ne pas s'unir sur le mensonge. Et si le mensonge est présent, alors il ne reste qu'à se diviser. car on ne peut pas finir sur le mensonge. Et les salaf, rahimahumullah, les sahaba et les tabi'in, et les tabi'in et tabi'in, et ceux qui les ont suivis dans le bien, à travers l'histoire, ils refusaient même de s'asseoir avec les gens bid'a. Et ils refusaient également de les fréquenter, et même de leur donner le salam. Et ça en particulier ceux qui invitent les gens à la bid'a, et qui sont des du'at pour la bid'a. Donc ils agissaient de cette manière pour donner de la force à la sunna, et pour affaiblir la bid'a et les gens bid'a. Et c'est pourquoi les gens de la sunna doivent s'unir entre eux, coopérer entre eux, s'entraider entre eux pour faire avancer la da'wa du Coran et de la sunna et de la voix des salaf al-salih. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. الله سبحانه وتعالى إنزل القرآن Ne soyez pas comme les mushrikins ou parmi les mushrikins, parmi ceux qui ont divisé leur religion et qui sont devenus des sectes. Chaque groupe, chaque parti se réjouit de ce qu'il possède. Autant il est important de se désavouer des gens de shirk et des gens de bid'ah, autant les musulmans qui sont sur la voie des salafs doivent s'unir et se soutenir les uns les autres. Défendre le tawhid et défendre la sunna et la compréhension des premiers musulmans de la Ummah. Ils doivent prendre garde aux causes de discorde, aux causes de divergence, car la divergence est mauvaise et la cause et l'accord est une miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, et ils continueront toujours à être dans la divergence, excepté ceux à qui Allah a fait sa miséricorde. Donc ceux qui ont la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne divergent pas. Ceux qui divergent, c'est ceux qui n'ont pas reçu la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat al-Baqarah, كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الله سبحانه وتعالى nous explique dans ce verset que les hommes à l'origine formaient une seule communauté. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait susciter des messagers et des prophètes pour enseigner aux hommes des révélations pour qu'ils puissent juger entre eux dans les choses dans lesquelles ils divergent. ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. Et ceux qui ont divergé, ils avaient uniquement divergé entre eux par rivalité et jalousie une fois que la vérité leur avait été clarifiée. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a guidé, فَهَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. Allah subhanahu wa ta'ala a guidé ceux qui ont cru parmi eux, et la haqq, à la vérité, par sa permission. Donc ceux qui ont cru, et qui avaient divergé auparavant, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala les a guidés à la vérité. Tandis que ceux qui ont refusé de croire et qui ont suivi leur passion, eh bien, n'ont pas été guidés à la vérité. Et donc dans ce verset-là, on voit que la divergence n'est pas quelque chose d'accepté. La divergence doit être tranchée par les preuves du Coran et de la Sunna et par la vérité qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset, شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il a légiféré pour nous comme religion ce qu'il avait enjoint à Noé et ce qu'il a révélé au prophète, c'est-à-dire à toi, c'est-à-dire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ce qu'on avait enjoint également à Abraham et Moïse et Jésus, c'est-à-dire d'établir la religion et de ne pas diviser au sujet de la religion. Et donc c'est interdit pour nous de se diviser dans la croyance et dans la religion, dans les fondements de notre islam, dans les fondements du Coran et de la Sunna. C'est quelque chose de haram, c'est quelque chose d'interdit, absolument interdit. Parce qu'il y en a des gens qui essaient de faire croire que la divergence est une miséricorde et qu'on peut diverger entre nous dans les fondements et dans les croyances de l'islam. Et ça, il faut bien comprendre que c'est un grand mensonge, un grand blasphème contre Allah subhanahu wa ta'ala et contre l'islam. La divergence dans les fondements de la croyance islamique et dans les fondements de l'islam est totalement rejetée et totalement interdite. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est mort, il a laissé les sahaba unis sur une seule et même aqida, sur une seule et même croyance. Il n'y en avait pas deux parmi eux qui n'étaient pas sur la même voie en ce qui concerne la croyance du Coran et de la Sunna. Il n'y en avait pas aucun d'entre eux qui faisait partie d'un groupe ou d'une secte de bid'ah. Au contraire, lorsque les mubtadi'ah sont apparus et lorsque les sectes sont apparues, elles ont été réfutées une après l'autre par le prophète Mohammed, par les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et par les sahabes, par les tabi'in et les tabi'in qui les ont suivis par la suite. C'est-à-dire les élèves des sahaba et ceux qui ont étudié par la suite avec les élèves des sahaba. Et de même que les quatre imams des madahib qui sont venus par la suite, l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam Shafi'i et l'imam Ahmed ibn Hanbal, ils ont tous été des défenseurs de la aqida des salaf et de la aqida du tawhid et du Coran et de la Sunna, et ils ont tous réfuté les gens de bid'ah et les sectes et les turuq et les gens d'égarement. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, الذين فرقوا دينهم شيعا لست منهم في شيء. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à son prophète, ceux qui ont divisé leur religion en sectes, tu n'as rien à voir avec eux. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam se désavoue de tous ceux qui se divisent au sujet de la religion et des fondements de la croyance. Et Allah, il dit à son prophète que tu n'as rien à voir avec eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit également, « وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلْ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ » Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, « Voici mon chemin droit dans toute sa rectitude. Alors suivez-le et ne suivez pas les petits sentiers à gauche ou à droite qui pourraient vous faire dévier de sa droiture, c'est-à-dire qui pourraient vous faire vous diviser par rapport à sa religion. « فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ » Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. الله سبحانه وتعالى إذ أسد أمة في communauté qui est la vôtre est une seule أمة et je suis votre Seigneur, alors craignez-moi. Et Allah subhanahu wa ta'ala blâme ceux qui se sont divisés dans la religion, dans les peuples qui ont vécu avant nous. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Inna d-dina inda Allahi l-Islam, wa nahtalafa al-lazina utu l-kitaba inna min ba'di ma ja'ahum al-ilmu baghyan baynahum, wa man yakfur bi ayati Allahi fa inna Allaha sari'u al-hisab. » Allah subhanahu wa ta'ala dit que la religion pour Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte c'est l'islam. Et les gens qui ont reçu le livre auparavant, c'est-à-dire avant nous, ils n'ont divergé qu'après que la vérité leur soit parvenue, à cause d'une animosité et à cause de la jalousie et de transgression qu'ils avaient entre eux. Et donc, quiconque rejette les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors sachez que Allah subhanahu wa ta'ala est rapide en compte. Il est rapide dans ses comptes. Donc, il est étonnant de remarquer ou de voir, après tous ces avertissements, de voir que des gens qui sont sur le Coran et sur la Sunna et sur le manhaj des talibs salih et qui sont sur la même aqida et sur le même manhaj et qui reposent le même savoir lorsqu'ils ont des disputes et des désaccords, de remarquer et de constater que certains d'entre eux se divisent pour des rivalités entre eux, soit pour avoir du contrôle, ou pour avoir une position de pouvoir au-dessus d'une organisation, ou d'une mosquée, ou d'un centre, et de se diviser pour avoir le contrôle et le pouvoir. Ça, c'est ce qu'on appelle l'hizbiyya. Et c'est la cause de beaucoup de malheurs et de beaucoup de divisions entre les frères. Et ça, c'est dû à plusieurs choses. Et parmi les facteurs qui influencent ces choses, il y a le manque de sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a le manque de science de la religion. Et il y a également un grand manque de maturité entre nous. Donc, pour en finir avec ce sujet aujourd'hui, je vous conseille à vous tous et à moi-même d'éviter les causes de la division et de retourner aux ulama de l'islam et de bien étudier la religion pour purifier nos cœurs et nos intentions, car la division entre les gens de la sunna réjouit les gens de bid'ah et réjouit les kuffars et les munafiqins, les hypocrites. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الله سبحانه وتعالى إنذي entrez-vous les uns les autres dans la piété et dans la bonté et dans la piété dans le taqwa et ne vous entraînez pas dans le péché et la transgression des lois et des règles d'Allah سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. وأذل الشرك والمشركين. وأذل أعداء الدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم احزن المبتدعة وأصحاب الأهواء. وانصر أهل السنة عليهم يا رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم. بارك الله فيكم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حيا على الصلاة حيا على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اعتدلوا سووا صفوفكم سد الفرج لا تختلفوا فتختلف قلوبكم إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Faites vos rangées droites. Ne laissez pas d'espace entre vos pieds pour le shaytan. Si vous divergez dans vos reins, vos cœurs vont diverger entre vous, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a dit et comme il le disait aux sahaba avant chaque prière. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.